On se racontera nos histoires, made in China dans le vieux Bordeaux à Saint-Michel. Chantons sous la pluie, au bois dans le caniveau. On boit sans raison, on boit l'instantané qu'on ne vendrait même pas à l'éternité. Si dur avec nous, après tout une belle flamme est faite pour brûler, ou cette femme dans mon lit, ou dans le sien, je m'en fous. Allez, chantons faux et dansons un peu comme ça, comme dans un livre de Steinbeck, Kerouac, je m'en fous. En tout cas américain, sur les routes de Nashville, les bignoux dans le dos, ou le Paris du 20e. Allez, chiche que je gagne, même plein de cholestérol. Une cigarette dans la gueule, l'alcool donne foi, du sommeil revendre à ces putains de moralistes qui préfèrent nous marier dans le doute. À ces putains de moralistes qui préfèrent nous marier dans le doute. Cette belle voix chantant les poèmes de la rue, mes harmonicas et mes belles idées folles. Allez, faisons cette nuit comme si demain n'avait plus de prénom, comme si demain n'avait plus de prénom, ou des noms dans la gueule, des oui-oui au bonnet rouge. J'en ai plein la tête, ils sont tous timbrés, envoyés par la poste, dans ton lieu, dans le mien. Je vais te dire, je m'en fous, je vais te dire, je m'en fous. Sur les routes de Nashville, le bignou dans le dos, pour le Paris du 20e. Allez, chiche que je gagne, même plein de cholestérol. Une cigarette dans la gueule, l'alcool donne foi, du sommeil revendre à ces putains de moralistes qui préfèrent nous marier dans le doute. À ces putains de moralistes qui préfère nous marier dans le doute. Que je gagne, même plein de cholestérol. Une cigarette dans la gueule, l'alcool donne foi, du sommeil à revendre à ces putains de moralistes qui préfèrent nous marier dans le doute. À ces putains de moralistes qui préfèrent nous marier dans le doute. Allez, chiche que je gagne, même plein de cholestérol. Une cigarette dans la gueule, l'alcool donne foi, du sommeil à revendre à ces putains de moralistes qui préfèrent nous marier dans le doute. À ces putains de moralistes qui préfèrent nous marier dans le doute.